Frédéric va donc avec Rosanette aux courses sur le Champ de Mars. À cette occasion, apercevant Madame Arnoux. Donne-moi du champagne, dit Rosanette à Frédéric. Et, levant le plus possible son verre rempli, il s'écria: Ohé là-bas, les femmes honnêtes, l'épouse de mon protecteur, ohé! Des rires éclatèrent autour d'elle. Frédéric la tirait par sa robe. Il allait s'emporter. Mais Sisi était là, et avec un surcroît d'aplomb, il invita Rosanette à dîner pour le soir même. Impossible, répondit-elle. Nous allons ensemble au café anglais. Frédéric, comme s'il n'eût rien entendu, demeura muet. Et Sisi quitta la maréchale d'un air désappointé. Tandis qu'il lui parlait, debout contre la portière de droite, Hussonnet était survenu du côté gauche et, relevant ce mot de café anglais, c'est un joli établissement. S'il n'est cassé une croûte, hein? Comme vous voudrez, dit Frédéric, qui regardait à l'horizon, sentant qu'une chose irréparable venait de se faire et qu'il avait perdu son grand amour. Et l'autre était là, près de lui, l'amour joyeux et facile. Mais, lassé, plein de désirs contradictoires, et ne sachant même plus ce qu'il voulait, il éprouvait une tristesse démesurée, une envie de mourir.